On va parler du March Madness, c'est la grande miss du basketball universitaire américain. On sait que le March Madness revient en force après une saison que l'an passé qui avait été annulée en raison du COVID. Et je suis très heureux d'accueillir Philippe Urtubise qui collabore avec l'émission de Michel Tifo depuis plusieurs années sur les ondes de CKJ, un grand passionné de basket qui a même entraîné plusieurs joueurs québécois. Salut Philippe! Salut Denis. Philippe, qui sera mon collaborateur pour le March Madness. Pascal va rester pour la NBA, Pascal Jobin. Mais pour expliquer le March Madness, Philippe, les gens qui sont pas familiarisés, nous, on est familiarisés, on connaît ça quand même pas mal, là. Sauf que c'est un tournoi universitaire de 64 équipes. Ben 68 équipes maintenant, mais parce que là, c'est rendu qu'il y a 4 équipes de plus le jeudi soir. On appelle ça le First Four. Et par la suite, les 64 équipes vont être réparties dans plusieurs divisions. Une victoire, si tu gagnes, tu continues. Si tu perds, tu t'en vas chez vous. Et c'est ça la beauté du March Madness. Exact. Hein? Puis même avant d'atteindre le March Madness, ce qui est particulier, c'est de réussir à avoir une invitation dans ces 68 équipes-là. Ouais. Parce que, toute la saison, écoutez, là, c'est plusieurs sections. Au début, c'est le calendrier de chaque équipe est divisé comme en deux façons. Au début, ils se font un calendrier qu'ils peuvent jouer contre n'importe qui, donc ils invitent les équipes. Avant les fêtes. Normalement, c'est avant les fêtes. Exactement. Puis là, après les fêtes, ils jouent vraiment rien que dans leur section, genre Big 12, Big 10. Et si tu gagnes ta division, ben, tu as une invitation automatique dans cette grande danse-là. Et les autres équipes qui n'ont pas gagné, selon la force de leur calendrier, leur victoire de fête, vont réussir à avoir une invitation des 68-là. Donc, c'est ce qui rend vraiment spécial ce March Madness-là. Puis maintenant, rendu là, c'est un match. La beauté du March Madness, c'est que souvent, par le passé, il y a eu des universités qu'on n'attendait pas du tout. Là. Je me rappelle de Butler, Dayton, qui se sont rendus jusqu'au Final Four, qui est le dernier week-end. Ils ne se sont pas rendus en finale, mais qui se sont rendus très, très loin. Et ça, c'est ça la beauté. Tu peux avoir une université qui sort de nulle part, que tu n'as jamais entendu parler, qui fait un bon bout. Rappelle-toi de Chicago, l'Iola, avec la sœur, il y a quelques années, qui faisait parler d'elle également. C'était quasiment un roman aux États-Unis. Donc, c'est ça la beauté. Et cette année, c'est Duke et Kentucky ne seront pas là. C'est la première fois depuis 1976. Duke, c'est une tradition, c'est une image de force dans la NCAA. Ils sont là à pratiquement toutes les années. Ils gagnent souvent, ils se rendent minimum Final Four ou huitième de finale. Et ça n'est de ne pas les voir là en raison du COVID, c'est une histoire. Et il y a aussi le fait également que le recrutement a été moins bon, sauf que je disais que le recrutement est déjà meilleur cette année. Et avec Coach K, ben, c'est évident que c'est des bonnes chances de remonter très, très vite. Cette année, c'est Gonzaga qui est premier favori, Philippe. Oui, puis je me permets de faire un lien avec ce que tu viens de dire. Là. Moi, au début, j'étais au secondaire. Là. Moi, j'approche la quarantaine. Là. Gonzaga, c'est une université à peu près de 700 étudiants. Là. C'est plus petit que l'UQAC. Là. Ouais. Et Gonzaga se sont fait connaître sur une grande run, un peu comme Loyola l'année passée, comme tu viens de dire. Et maintenant, c'est rendu une puissance. Et d'ailleurs... L'université, se trouve, je pense, dans le coin de San Francisco, je me demande. Hein? Gonzaga, si je me souviens bien, c'est plus au nord. Là. On s'en va vers un peu au nord de l'Arizona, là, vers proche de Utah, dans ces coins-là. Mais je suis pas parfaitement sûr de ce que je t'en pense en ce moment. Sûr, c'est dans l'ouest. Ouais, Gonzaga, la force de ben, Gonzaga, ce qui arrive, ils sont au premier rang, sauf qu'ils jouent dans une conférence faible, Philippe. Et c'est ça qui fait qu'il est toujours le hic. Et je vais te laisser aller là-dessus par la suite. Gonzaga, c'est l'une des premières fois. Cette année, ils sont invaincus. Et c'est une des quatre années qu'une équipe se présente. Ça fait quatre fois dans l'histoire du March Madness qu'une équipe se présente au March Madness et est invaincue. Exact. Puis ce qu'il faut dire avec Gonzaga, c'est ça. Là. C'est que, leur section... c'est très, très, très, très faible. Là. En général, c'est toujours une guerre à deux entre St. Mary's et eux. Gonzaga gagne tout le temps, année après année, leur section. Donc, automatiquement, ils sont toujours invités, peu importe là, leur calendrier. Mais ce qu'il faut dire avec Gonzaga cette année, ils n'ont pas perdu un seul match. Ils ont des joueurs, là, c'est vraiment, vraiment incroyable. Là, puis il suffit de parler... avec Suggs, dans le fond, qui est un joueur unique, Ouais. autant un QB au football que peut jouer sur le terrain comme point de garde, va être drafté dans l'NBA. Il y a un Canadien, je pense, hein, qui est là, hein? Un gars de Toronto qui est le garde de cette université-là. Hein? Exactement, oui, c'est ça, c'est le garde, je me souviens, je pense que c'est Arlokas, si ouais. je me souviens bien, qui se trouve être un Canadien, un gars de l'Ontario. Puis sinon, ben, comme je te dis, là, Gonzaga en ce moment ont été invaincus. Questionnable un peu sur le calendrier, là, je te dirais, si tu compares Michigan, Illinois puis Baylor, on prend eux des calendriers un petit peu plus difficiles que Gonzaga. Mais au-delà de ça, Gonzaga était ranké premier avant, au début, là, avant qu'il n'y ait aucun match de jouer. Et ils ont gardé au ranking dans les AP Poll toute l'année le rang numéro 1. C'est ce qui fait leur saison exceptionnelle, en plus de n'avoir jamais perdu. Donc, rendre grand favori là, dans le match Madness. Moi, ce qui met deux interrogations dans le cas de Gonzaga, c'est que la première fois, c'est une conférence à conférence. Donc, ça, c'est. Il reste toujours un hic face à Gonzaga. Et deuxièmement, le fait que tu n'as pas perdu. Tu n'as pas perdu. Tu sais, c'est un match, là. Maintenant, la loi de la moyenne va te rattraper, là. Et, tu sais, c'est... Ils n'ont pas eu beaucoup d'adversité. Non, ils n'ont pas eu beaucoup d'adversité. En tant qu'équipe, là, ils n'ont pas eu beaucoup d'adversité. C'est pas la même chose avec les autres équipes. Ils n'ont pas non plus été figés par le COVID. Donc, ils n'ont pas été affectés dans leur momentum beaucoup, beaucoup. Tu sais, c'est un parcours trop parfait. Je suis d'accord avec toi, Danny. C'est quelque chose qui est quand même pas évident. Puis, je crois aussi que leur deuxième match, c'est sûr qu'ils vont gagner contre Norfolk State, mais Missouri ou Oklahoma qui risquent de jouer dans la ronde des 32, à mon avis, Missouri va gagner. Puis c'est un club qui ont gagné plusieurs matchs cette année contre des top 20. Je ne serais pas surpris à un match très, très, très serré dès la ronde des 32 pour gagner. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'il va affronter. Évidemment, les autres équipes, Illinois, oui. Faut les surveiller. Baylor, il faut les surveiller également. Michigan, ça c'est mon équipe préférée, autant dans l'NCAA que dans l'NCAA basketball que dans le football. Mais par contre, on a connu une fin de saison difficile. Hein? C'est ça oui, Michigan, c'est le seul un questionnable. Hein? C'est unanime pour tout le monde que Baylor, Illinois et Gonzaga sont numéro un. Michigan, ben, c'est parce que si tu regardes les autres, là, Iowa qui sont rankés numéro 2, Ohio State, Houston, Alabama. C'était pas assez solide pour pouvoir détrôner vraiment Michigan, mais c'est le moins, c'est le dans les quatre numéros un, clairement Michigan qui est la moins solide là, comme équipe. Là. OK. Donc, c'est vraiment intéressant. Tu as coaché des jeunes qui vont s'en aller au basketball et qui sont au March Madness, c'est ça? En ce moment, non, je suis déçu. J'en ai aucun qui se sont qualifiés. OK. Okay. Parce que moi, j'ai cinq joueurs actuels qui jouent dans la NCAA, que j'ai coaché ces équipes du Québec. Malheureusement, n'ont pas réussi à gagner leur division. Ils n'ont pas été invités non plus. Le seul, je te dirais, qui était quand même dans l'entourage qu'on peut peut-être connaître un peu plus au Québec, c'est à Syracuse, Quincy Guerrier. Je l'ai interviewé, Quincy Guerrier. Je l'ai eu en entrevue il y a quelques semaines. Très quelques bon. Semaines? Oui, très gentil. C'est un gars qui je ne sais pas s'il va faire le saut cette année. C'est toujours des grosses décisions. Je serais surpris parce que c'est sûr, côté performance, c'est sa meilleure saison. C'est une deuxième année. L'année passée, il y a eu une année difficile là, à s'acclimater. Cette année, vraiment, il ressort à Syracuse, assez polyvalent. De là à faire le saut dans NBA tout de suite, je serais assez surpris. Mais c'est certain c'est un excellent joueur. Puis c'est vraiment l'Académie de Thetford qui l'ont formé. Ouais. Anciennement d'Alma, d'ailleurs, aussi. Là, donc, c'est vraiment eux là, qui l'ont formé. T'as qui Keyshawn Barthélémy également, que j'ai eu en entrevue aussi, qui était sa première année avec l'Université du Colorado. Colorado qui ont gagné la finale du Pac-12 contre Oregon. C'est contre Oregon, je pensais ça. Ils ont gagné le Pac-12. Donc, lui, il est là également. Et un autre à Clemson aussi. Oui, c'est ça, avec Clemson qui est là. Mais comme je te dis, là, Bénédicte, là, j'ai aucun lien avec lui. Là, okay. Il est vraiment là. C'est un gars de Montréal. Lui que j'espérais qu'il passe, c'est à SMU, c'est Emmanuel Bandoumel là, que j'ai coaché sur l'équipe du Québec U17. D'ailleurs, ça passait proche qu'il fasse parce qu'ils sont dans le NIT, là, le National Invitation Tournament. Qui est l'autre tournoi. Puis l'autre Puis tournoi, l'autre comment tournoi à dire? huit équipes là, en parallèle. Là. Fait que c'est comme les huit bubbles qui ont passé proche de rentrer. Finalement, n'ont pas réussi à rentrer dans le tournoi. Donc, il y a une autre invitation. Eman jouait hier. Là. Ils ont d'ailleurs perdu par un là, au NIT là, contre. Écoute, j'ai un blanc de mémoire là, contre qui jouait. Je l'ai écouté hier soir le match. Là, OK. donc, c'est ça. Dans les joueurs à surveiller, écoute, il y a des joueurs à surveiller qui sont vraiment intéressants. On dit que, je suis en train de lire les notes, c'est Cade Cunningham, le premier, qui est un joueur de Oklahoma Oklahoma State, State, qu'on oui. dit que c'est le premier, que probablement le futur premier choix de l'encamp. Après ça, tu as Evan Mobley, lui, j'ai vu une couple de fois jouer cette année, puisque j'ai regardé les matchs de Bénédicte Mathurin, Oui. et lui jouait dans le Pac-12 également. Oui. Lui, c'est un joueur, un centre très, très, très physique. Probablement qu'il va sortir dans le quatrième et cinquième, et tu as Julian Suggs également de Gonzaga. Ouais, puis tu sais que Cunningham et Suggs, à mon avis, sont les deux seuls d'une classe à part, là, vraiment, là. C'est Il Green qui a joué dans la G League aussi, Jalen Green. Ouais, exact. Mais tu sais, vraiment, je pense que tu sais, pour ceux là, qui écoutent la NCAA, là, puis qui veulent justement voir des futurs prospects ou superstars de la NBA, là, Gonzaga, Oklahoma State, ne manquez pas ces matchs-là. Là. Pour vrai, là, Cunningham là, peut virer une game à lui seul complètement. Il fait tout sur le terrain. C'est un scoreur. Il voit le jeu. Et c'est un gars de momentum, beaucoup. Hein. Il perd par deux. Il va prendre la balle. C'est lui qui va, au-delà du système, là, va sortir du système, va faire une action qui va amener son équipe à faire gagner. Oklahoma State, exceptionnel. À l'inverse, ça, Xavier Gonzaga. Plus dans la trame des bons vieux point guard à la Chris Paul un petit peu dans ces choses-là, distribue le ballon à outrance. C'est pas pour rien que le gars, ils disent, si il se mettait quasiment éligible pour la NFL, il pourrait rentrer dans le draft comme QB à la limite. Là. Il était une superstar comme QB au football. Une vision de jeu incroyable. C'est un athlète avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de stamina. Donc, peut rester sur le terrain longtemps, mais sur le open court à transition, Suggs, watcher ses passes, c'est quelque chose pour vrai, là, vraiment une vision de Un jeu. autre joueur que j'ai bien aimé, que j'ai vu également deux fois, c'est Ayo Dosunmu de Illinois, qui est un Mais joueur qui est donc lui aussi, c'est un joueur quand le même qu'on. masque. Ouais, un masque. Donc lui également, c'est un joueur à surveiller. Il reste Et deux fois son que je. shooting hein, Ouais. à OU, là, vraiment, là, il y a une shot qui ressemble à Kobe Bryant. Hein, OK. et ça se rapproche là, vraiment là, dans son système. Là, il y a une mécanique qui ressemble à Kobe, puis ça fait du bien de voir ça. Je pense que vous allez le voir un peu. Ils vont se rendre à Illinois, je dis pas au Final Four, mais au moins au Elite Eight ou au Sweet 16. Il me reste deux points que je veux te parler, Philippe. Je veux te parler de Chris Boucher. Tu l'as connu. Je sais que j'ai déjà fait une entrevue avec toi, mais je veux que tu le racontes encore aux gens. Tu l'as connu, t'as coaché contre lui à Alma. Est-ce que à l'époque qu'il était à Alma, est-ce que tu t'aurais dit qu'il aurait fait la NBA? Non, non, honnêtement, non. Non? OK, Non, je c'est suis beau. désolé. Mais tu sais, honnêtement, quand il était allemand, c'est un athlète hors du commun. Ça, c'était unanime. Mais ce qu'on se disait, nous, c'est crime de par sa charpente, parce que même dans l'NBA, sa Même charpente dans. le nuit encore. Ah Hein? ouais. Tu sais, il se prend, il a de la Vas-y, misère à 30 surveiller. livres de plus de muscle, c'est un partant, ce gars-là. Ah, c'est un partant. Mais là, le problème, c'est pas son talent offensif. Le talent Non. offensif, il est là. C'est probablement un des meilleurs pour bloquer les lancers de toute la NBA. Mais malheureusement, il ne peut pas surveiller un joueur de 1 ou 2, mais il ne peut pas surveiller non plus un joueur de 5. Donc, il est toujours en dehors de sa position un petit peu dans les match-ups défensifs. Mais écoute, c'est de loin un des meilleurs sixièmes joueurs de l'NBA. Le gars, Ah. il va signer des contrats assez longtemps. Puis si je reviens dans le temps d'Alma, c'est parce que moi, je coachais dans les Gaillards. Je me souviens encore, on avait fait un triangle 2 comme stratégie, là. Bon, certains coachs vont pouvoir dire que c'est de la junk defense. Ils n'ont pas tort. C'est vrai aussi, là, ça fait comme jammer la clé. On colle deux joueurs sur deux joueurs excellents. On avait collé justement Boucher dans ce temps-là, ce qui fait qu'on avait réussi à sortir son impact du jeu. On avait réussi à gagner le match à très, très bas à très, très bas pointage. On avait contrôlé le ballon beaucoup. Mais Chris Boucher, dans ce temps-là, tu m'avais dit, Phil, fais-tu NBA? J'ai dit non. Mais l'avoir inscrit au volleyball, C'est ceux qui étaient millionnaires en Europe. Là. Il était-tu dominant? Il dominait-tu le match? Il pouvait-tu vraiment faire la différence? Ou c'était un joueur parmi tant d'autres puis s'est développé plus tard? Ah, il faisait la différence. Il faisait la différence parce que c'était impossible de se rendre à la clé. Au niveau collégial, Division 2, on devait finir les games entre 5 et 10 blocs par game. Donc, ça, 5 et 10 blocs, c'est des lancers normalement à haut pourcentage qu'on devrait mettre 80% de ces lancers-là à l'intérieur du panier pour un 2 points. Puis lui, à chaque fois, bloque le lancer. Donc, très, très, très difficile là, et vraiment dominant. D'ailleurs, cette année-là, ils ont gagné la médaille de bronze provinciale. Ils ont perdu contre Brébeuf-Montréal, où Brébeuf avait 2 gars NCAA. Là. Il y avait Joseph Chartouni, qui joue pro en ce moment en Europe. Puis il y avait Nemanja Zarkovic, qui a monté une belle carrière NCAA Division 1 aussi à Fordham. Donc, ça a pris un club avec 2 gars NCAA pour battre Alma. Puis ça a fini quasiment sur le dernier lancé. Puis Alma, tout ce qu'il y avait, c'était 2 joueurs aussi. Là. C'est Chris Boucher, un autre qui est parti pour Junior College, JUCO, dans ce temps-là avec Mexico. Là. Donc, on parle de quoi? Donc, Chris Boucher, il changeait la game. On parle de quoi? 2010 à peu près, hein? Non, c'est plus jeune que ça. Là. On recule à... Écoute, moi, j'ai arrêté de coacher les Gaillards en 2017. Je te dirais 2014, peut-être. Là, tu es impliqué dans le basketball, puis j'en parle avec Pascal Urbain aussi, mais je veux avoir ton... Là, on a parlé de Bénédicte Mathurin, on a parlé de Keyshawn Barthélémy, de Quincy Guerrier, l'impact du COVID sur le développement du basketball. Sur le sport d'élite, c'est... Écoute, c'est affreux, je pense. Puis, moi, je trouve ça plate parce que la NBA avait... Heureusement, il y a plusieurs... Pascal me disait qu'il y a des joueurs qui sont aux États-Unis, des Québécois, qui sont dans la NBA au Mexique et ainsi de suite. Ils vont s'en sauver, mais quand même, ça va avoir des impacts très négatifs aussi. Oui, puis à tous les niveaux. Hein, moi, je suis un fan de... pour travailler l'élite, comme tu me parles là, de certains joueurs qui s'en vont au Mexique, quoi que ce soit, continuer à avoir une saison, ça prend une base de pyramide. Parce que souvent, dans ta base de pyramide, c'est là que tu vas former tes futurs coachs. Parce que tes futurs coachs, ce n'est pas eux qui partent de l'NBA, là, c'est eux qui vont former les prochains. Fait que dans toute cette structure-là, moi, je te dis, ça affaiblit à tous les niveaux en ce moment, le COVID. Là. Autant qu'on va avoir des entraîneurs, des bénévoles du monde qui vont dire, après cette pause-là, vont décider d'arrêter de coacher. Donc, ça va être difficile au niveau de la main-d'œuvre ramener ses entraîneurs dans le gymnase. Donc là, ben, que ce soit de nos jeunes primaires jusqu'à cégep, on va manquer de personnel, c'est certain. Puis au-delà de ça, ben, c'est une année et demie. Je comptais à ça, là, avec, mettons, au mois le prochain, c'est 17 mois sans aucun encadrement et ni presque développement des aptitudes en lien avec le basket ou peu importe le sport. C'est fatal pour une carrière là, à ce niveau-là. Voilà. Donc, c'est certain que ça va paraître autant dans le niveau, autant dans les aptitudes physiques. Puis moi, j'anticipe, dès notre retour, j'ai peur aux blessures aussi parce que le corps de ces jeunes-là, ça fait longtemps là, qu'ils ont leur cheville, leur genou n'ont pas réagi. Puis là, nous, ben, j'ai peur que les gens soient pressés de tout mettre ça en compétition parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vécu puis on a besoin. Mais si on débute en même temps très vite, j'ai peur à des blessures graves aussi. T'as-tu des joueurs que tu es encore impliqué dans le basketball au Québec? Oui. Ben dans le fond, moi, je gère Saguenay Basketball. C'est comme l'extension. C'est pas comme. Nous sommes l'extension de la Fédé de Basketball Québec, mais à Saguenay-Saint-Jean. Y a-t-il des joueurs que tu connaissais qui s'en allaient vers la NCAA, que le COVID a arrêté? Que le COVID a arrêté? Ouais. Ben juste Jérôme Desrosiers, il a perdu une saison. Lui, il était à Princeton. Moi, j'ai coaché Jérôme 3 ans. Là. Lui, d'ailleurs, parce qu'il a perdu son année, il a comme gagné une année d'éligibilité. Il a demandé un transfert à Hawaii. Là. Fait que lui, ça va jouer pour Hawaii l'an prochain. Mais Jay vient de faire une année sans basket. Là. Donc là, lui, c'est certain que ça fait mal. C'est pas mal la seule personne vraiment je connais bien que ça l'a affecté. Okay. Ben, on va surveiller ça de très, très près, Philippe. On s'en reparle probablement une fois ou deux, minimum une fois la semaine prochaine, peut-être même 2 fois, parce que parler du March Madness, comment que ça a été le week-end. Oui, ça marche. Notre ami Philippe Urtubise, qui va suivre le March Madness pendant les 4 prochaines semaines.